Mort d'homme, je ne fais que fuir, que Dieu me pardonne. Du love pour ma team me redonne. Et la pleine lune m'a fait passer du mal à loup. Demain j'aurais changé d'humeur à l'aube. T'as cru voir une simple poignée de main, mais le pochon dans la paume passait d'une main à l'autre. Que du béton dans le panorama. Panamora toujours plein de remords. Trafic les freins de la Panamera. On effacera l'épreuve, ouais, mais pas nos remords. Et le lâcher de sortie, le bonhomme est rare. T'étais tellement fier de mettre le coup de grâce. Et maintenant t'es moins fier, t'as pas peur de l'enfer. Mais la tête à l'envers, t'as comme un goût de grâce. Et devant Dieu, j'essaye de faire de mon mieux. Je me sens pas tellement mieux. Je veux rien montrer devant eux. De mon mieux. J'essaye de faire de mon mieux. Je me sens pas tellement mieux. Je veux rien montrer devant eux. Les billets passent de main en main. Moi j'ai conscience qu'on fonce dans le noir. Et maintenant que j'ai plus confiance en moi, je me la raconte de moins en moins. J'enferme mes démons dans mes peaux et mains. Être humain riche car le monde est mien. Si le système juge sur la peau, eh bien je me sens plus proche des beaux et miens. Éclosion des fleurs à la mi-mai. J'ai beaucoup trop d'ennemis, mais j'ai fait des grands gestes pour leur faire comprendre c'était inutile, alors je m'y mets. Et je fais de mon mieux. J'essaie de faire de mon mieux. Je me sens pas tellement mieux. Je veux rien montrer devant eux. De mon mieux. J'essaye de faire de mon mieux. Je me sens pas tellement mieux. Je veux rien montrer devant eux. Thank you.